Science Chrono, Antoine Beauchamp. Après un voyage de 6,5 milliards de kilomètres et un vol de 10 ans à travers le système solaire, la sonde Rosetta larguait en 2014 le module Philae sur la comète Chury. Si ce moment scientifique à haut risque reste l'un des plus haletants de ces dernières décennies, c'est sans doute parce qu'il incarne la beauté et la folie de certains projets scientifiques qui jusqu'à la dernière minute peuvent échouer malgré les travaux de plusieurs générations de chercheurs. Science Chrono part aujourd'hui dans l'espace lointain à la rencontre d'une comète qui a fait vibrer la Terre entière. Bonjour Antonella Barucci. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, planétologue à l'Observatoire de Paris. Vous avez fait partie des premières équipes qui travaillaient sur Rosetta au début des années 90, alors que la mission n'était encore qu'au stade de projet. Et je crois qu'on peut dire sans trop de risques que cette mission a occupé une place majeure dans votre parcours scientifique. Dans l'exploration spatiale, peu de missions ont l'envergure du premier pas de l'homme sur la Lune. Je crois qu'on peut dire que la mission Rosetta fait peut-être partie des missions qui s'avoisinent, qui s'approchent de cette mission, qui sont un savant mélange entre audace, prouesse technologique et science de très haute précision. Je suis donc ravi, Antonella Barucci, de vous recevoir pour discuter de cette aventure un peu folle que fut la mission Rosetta. Et pour démarrer ce récit, je vous propose de remonter dans le temps, non pas jusqu'au jour du lancement de Rosetta, mais au moment où la mission prenait forme. On écoute un reportage intitulé « Objectif Science ». Il est signé Philippe Dumaise et il était diffusé sur France 2 le 12 mai 1990. C'est un petit caillou d'une dizaine de kilomètres de long dont la périodicité, environ 7 ans, et la trajectoire à 50 000 kilomètres près est assez bien connue. Le lieu de rendez-vous, situé à 800 millions de kilomètres, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de Jupiter, sera le point où notre comète ira le moins vite, mais tout de même à 7,7 km par seconde. La sonde Rosetta doit son nom à la pierre de Rosette, celle qui permit à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. Mais ici, il s'agira de ramasser des échantillons sur une comète pour déchiffrer les premiers instants de la formation de notre système solaire. Après avoir repéré un terrain favorable, le 30 juillet 2005, Rosetta se posera sur le noyau de la comète. Toute cette première partie a été confiée à la NASA. Le reste de la mission a été attribué par l'Agence spatiale européenne à Matra. Mais là, il faut tout inventer, tout imaginer. Pour atterrir déjà, il faudra vite s'accrocher pour ne pas rebondir. La pesanteur est 10 000 fois inférieure à celle de la Terre et l'on n'a aucune idée de la nature du terrain. Une fois bien arrimé sur ce lointain caillou, commencera la collecte des échantillons. Un bras équipé d'une chignole un peu spéciale récupérera des bouts de comète jusqu'à 3 mètres de profondeur et les stockera dans une capsule spéciale pour les ramener à Terre. Le 9 août 2005, c'est le retour et encore 3 ans de voyage. À proximité de la Terre, la sonde larguera la capsule et ses 20 kg de matière cométaire. Malgré un échauffement terrible en traversant l'atmosphère, il faudra que les échantillons conservent leur température d'origine, soit moins 150 degrés pour arriver sur Terre en bon état le 12 novembre 2008. Voilà, j'aurais pu bien sûr prendre une archive ou un son de l'annonce du décollage de Rosetta le 2 mars 2004, il y a 20 ans tout pile, ou bien un son 10 ans plus tard du largage de Philae sur la comète Chury, mais j'ai décidé de vous proposer cette archive un peu plus ancienne pour deux raisons. D'abord, pour qu'on se souvienne qu'entre une idée initiale et l'aboutissement du projet, il se passe un temps généralement plus long que ce qu'on pense quand on parle de mission spatiale, mais aussi pour qu'on comprenne que toutes ces missions s'adaptent dès le départ à des imprévus qui surgissent jusqu'au moment crucial. Parce qu'Antonella Barucci, dans cette archive, il y a plein de choses qui ont changé, qui ont été modifiées. Oui, et ça fait aussi rêver, parce qu'en réalité, on ne pourrait pas faire une mission aujourd'hui comme celui-là qui est décrit tout à l'heure. Et donc, en réalité, c'était une période où il y avait une collaboration ESA-NASA. La NASA s'est retirée pour des questions financières. Et donc, l'ESA s'est trouvée tout seule à affronter une mission vers les comètes. Et c'était une mission qui était quand même très importante dans les contextes de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, car c'était une mission qui pouvait apporter des informations sur l'origine du système solaire et sur l'origine de la vie. Donc, il y a vraiment tous les... pour faciliter avoir ce type de mission. Est-ce que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, avait déjà été confrontée à une mission de cette envergure-là ou pas? Jamais. jamais. Donc, faisait partie des missions Cornesson de l'ESA. Et c'était une mission qui a fait rêver. Donc, c'est démarré en 1991, l'étude, sélectionnée en 93. Et c'était une mission qui a fait vibrer le monde entier parce que c'était une mission unique dans son histoire. Ce qu'il faut dire, c'est que cette mission Rosetta, elle s'inscrit dans la continuité d'autres missions qui se sont approchées de comètes et notamment de la fameuse comète Halley dans les années 80. Ouais, pourquoi 86, est-ce que 86, oui, c'était toujours l'ESA qui avait fait cette survol de la comète Halley à l'époque. Et donc, il y avait cette énergie, cette synergie pour aller vers une comète. Pourquoi est-ce qu'on essayait de comprendre ces comètes-là? Qu'est-ce qu'elles pouvaient nous apprendre et finalement, comment on explique l'engouement pour les comètes? Oui, parce qu'ils sont des petits corps du système solaire. Comme on disait, c'était des objets qui ont probablement formé des planètes. Ils s'y sont créés à 100 pour former des planètes. Et surtout, le fait que la comète, il contient de la glace, ça pouvait avoir apporté l'eau et des matières importantes pour l'origine de la vie sur Terre. Donc, l'idée de vraiment de découvrir qu'est-ce qu'il y avait sous cette comète. Et donc, l'idée de l'ESA, on ne peut pas ramener des échantillons sur Terre, on essaie de ramener un laboratoire sous la comète. Donc ça, c'était les concepts. Ça, c'était la grande nouveauté de cette première mission Rosetta. Antonella Barucci, voilà, on parlait de ces missions qui s'étaient approchées de la comète Halley. On parle, par exemple, de la mission Giotto. On a parlé de cette sonde qu'on avait appelée la mission Kamikaze. Quelles étaient les grandes limites de ces missions que Rosetta venait tenter de dépasser? Bah là, c'était que des survols, des comètes. Et donc, c'était quelque chose de relativement facile. Par contre, Rosetta, il avait la prétention d'arriver autour d'une comète qu'il ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas les caractéristiques ni la gravité, se mettre en orbite autour de la comète et même poser un rover sous la surface de la comète. Donc, c'était vraiment une aventure extraordinaire. Et surtout, les comètes sont très lointaines. Donc, il fallait 12 ans de vie d'une sonde spatiale avec un voyage très long et des histoires assez complexes. On va parler, bien sûr, de la complexité de ce périple de la sonde Rosetta qui fait en même temps complètement rêver, tellement c'est hallucinant de précision et de durée. On imagine cette sonde qui voyage toute seule dans l'univers. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne à l'importance de ces objets que sont les comètes. Pourquoi est-ce que, dans les années 80, ces objets spatiaux, finalement, ont poussé les scientifiques à reconsidérer l'origine de la vie sur Terre? Pourquoi ces objets, dont on dit qu'ils sont plus noirs que le charbon alors qu'ils sont composés de glace, ben finalement, on refait considérer l'origine de la vie? Parce qu'on commençait à voir l'analyse des météorites avec des instrumentations de plus sophistiquées sur Terre. Et donc, on découvre qu'il y a des matières organiques, il y a des théories qui avancent. Et donc, il y avait vraiment cette idée que les comètes, comme aussi les astéroïdes, mais tous les petits corps du système solaire, ça pouvait apporter vraiment des notions fondamentales pour l'origine du système solaire et l'origine de la vie sur Terre. Donc, vraiment comprendre la matière de cet objet. Parce qu'avec tous les survols faits précédemment, les comètes s'est caché des gaz, ce qu'on appelle l'atmosphère, la queue cométaire. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver dans une comète au moment qu'il est très loin donc, du Soleil et très peu active pour voir comment elle est formée et la suivre pendant toute son orbite autour du Soleil jusqu'au moment qu'on appelle le périhélie à côté du Soleil, où il y a le maximum d'activité, et la resuivre avant, après. Donc, c'était la première mission qui a vécu pendant 3 ans autour d'une comète. Ce maximum d'activité, Antonella Barucci, c'est finalement ce moment où on aperçoit la chevelure de la comète, où la matière présente à la surface de la comète et le gaz et la glace se subliment, donc passe à l'état gazeux. C'est finalement un peu le champ du cygne de la comète. Quand on commence à voir une comète et sa chevelure, c'est pas très bon signe pour elle. Entre le moment où on a décidé de ce lancement de la mission Rosetta et son envoi, comment est-ce qu'on a choisi cette comète 67P Churyumov-Gerasimenko, qu'on a surnommée Churi? Pourquoi celle-ci en particulier? Donc, en revenant à l'histoire, en 1993, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, sélectionne la mission Rosetta. Et à l'époque, la comète candidate, c'était la comète Virtanen. Et avec un lancement en janvier 2003. Mmh. Et le problème, c'est que c'était un lancement avec Ariane 5. Il y a eu un malfonctionnement du lanceur. Et donc, il fallait reporter les lancements à plus tard, et on ne pouvait plus aller vers cette comète, parce que vous savez, il y a des orbites, il y a des conditions très précises pour y arriver, et donc il fallait changer d'objet. Et à la fin, il y a eu toute une discussion, et on a trouvé la comète Churyumov-Gerasimenko, pour laquelle on pouvait partir mars 2004, et avoir une mission qui durait plus ou moins les mêmes temps, 12 ans d'émission. Alors, le 2 mars 2004, la sonde Rosetta décolle. Tout se passe de façon nominale, comme on dit dans le monde du spatial. Et commence un très long voyage, une odyssée de cette petite sonde qui traverse, non pas tout de suite l'univers, mais qui va entamer des cycles. Alors, racontez-nous comment Rosetta est propulsée vers la comète. Pour faire un voyage à cette distance, vous imaginez, il faut beaucoup de propellants pour y arriver. Mais en réalité, dans le spatial, c'est qu'on fait, on utilise l'assistance gravitationnelle des planètes. Donc, avec l'assistance gravitationnelle de la Terre et de Mars, donc la sonde Rosetta, elle a eu une première assistance gravitationnelle avec la Terre en 2005, une avec Mars en 2007, et après, aussi encore la Terre, pour y arriver enfin jusqu'à l'orbite de la comète. Donc grâce à cette attraction gravitationnelle, on a la poussée pour continuer ce voyage jusqu'à 5 unités astronomiques, c'est où on voulait rejoindre la comète, et 5 unités astronomiques, c'est à peu près 550 millions de kilomètres, donc imaginez la distance. Pour atteindre ces 550 millions de kilomètres, il a fallu parcourir plus de 6 milliards de kilomètres en orbite de la Terre, de Mars, bénéficier de cette assistance gravitationnelle un peu comme d'une fronde finalement pour être propulsé. Pour avoir la poussée et arriver à ce qu'on appelle un orbite libre, un voyage sans dépenses. Voilà, exactement. Et toutes les dépenses en réalité faites, c'est par des manœuvres pour observer et faire des observations ciblées. Donc, pendant ce parcours, il y a eu les survols de 2 astéroïdes en 2008 et en 2010. Donc, c'était l'astéroïde Steins et Lutetia. Et donc, là, on a eu les premiers résultats pendant ce survol d'astéroïdes. C'était des objets pas connus du tout. Donc, on est passé à une certaine distance, mais déjà là, la sonde Rosetta, la mission Rosetta, il a donné plein de résultats avec tous les instruments qui étaient en orbite. C'est très belles images, ces images d'astéroïdes, parce qu'on voit la planète Saturne avec ses anneaux dans le fond, là où on est en plein dedans, si je puis dire. Il y a un moment aussi important dans la mission Rosetta, c'est le moment où justement elle est propulsée vers la zone où se situe a priori la comète, et où là, en fait, pour économiser l'énergie, les scientifiques mettent la sonde en état de dormance, en état d'hibernation, pendant près de 3 ans. Donc pendant près de 3 ans, la sonde avance vers son objectif sans qu'on ait de nouvelles. Comment, quand on est scientifique et qu'on travaille sur ce genre de mission, on vit ce moment où on se dit, c'était la catastrophe, parce que tout le monde avait peur. C'était la première fois qu'on mettait une hibernation, une sonde spatiale. 31 mois d'hibernation. Et les jours qu'on a rallumé et qu'on a eu les premiers signaux, on était tous à l'Agence spatiale européenne pour participer à cet événement. La félicité du monde entier, qui est la sonde. Il répondait, s'était réveillé et tout marchait parfaitement comme avant le départ. Et ça, c'est quelque chose de bizarre parce que si vous imaginez, vous achetez un n'importe quel instrument, une durée si longue, c'est pas garanti. Et justement, parlons d'instruments, si on doit cibler quelques instruments qui, selon vous, étaient particulièrement emblématiques à bord de cette sonde Rosetta et à bord de cet atterrisseur Philae qui doit se poser sur la comète, quels étaient les principaux objets qui étaient embarqués, qui avaient une importance cruciale? Oui, donc il y avait 11 instruments sur l'orbiter, 10 sur Philae, sur le rover. Entre les instruments plus importants, c'était des caméras, grand champ, petit champ, des spectromètres qui allaient de l'ultraviolet jusqu'au proche infrarouge. Il y avait des radios, des radars, des instruments pour mesurer les champs magnétiques. Et surtout, le but, c'était de comprendre la composition de la comète, donc des spectromètres, des masses, des ions, etc., pour comprendre la composition du gaz et des particules de la comète. Mais aussi, sous les petits rovers, qui faisaient jusqu'aux 100 kilos, il y avait donc 10 instruments, entre les caméras panoramiques, les caméras pour descendre sous la surface, mais aussi là, des instruments pour mesurer la composition une fois qu'on arrivait sous la base de la comète. Donc ça, c'est ce petit laboratoire, mais savant laboratoire embarqué à bord de Rosetta et de Philae, l'atterrisseur. Il y a un élément, on parlait de la chronologie de cette mission-là, en mars 2014, donc on sait où se trouve Rosetta, mais maintenant il faut retrouver la comète Chury. Et là, à nouveau, autre dilemme, où se situe ce petit caillou? On peut le décrire, cette comète, on peut la décrire, ses dimensions, sa masse? Oui, alors cette comète, la chose extraordinaire, c'est voir aussi là les premières images, complètement inattendues. Ça faisait comme une forme de canard, avec une tête à peu près de 2 km, encore de 4 km. Et de plus en plus, on s'approchait, on avait des détails incroyables sur cette comète, donc avec des variations de la surface incroyables, des cailloux, des... Et les détails qu'on arrivait jusqu'à détails des centimètres sur la surface de la comète, ça prenait une surface très variable avec des puits, avec du gaz qui sortait des puits, des montagnes, au cou, entre la tête et le corps, il y avait de l'activité, beaucoup plus de glace, mais surtout un objet très noir, très sombre, où on ne voyait pas la glace du tout. On ne la voyait pas, cette glace. Donc là, c'était vraiment étonnant. Les comètes, on savait qu'ils sont formés des glaces. Ce sont des boules de glace. Pourquoi on ne voit pas la glace? Donc ça, c'est vraiment les premiers résultats incroyables sur la comète. Juste à partir des premières observations. Et c'est ça qui est très beau aussi dans cette mission Rosetta. C'est que, à l'origine, c'était un point blanc qui se déplaçait dans le ciel. On s'en rapproche. Et là, voilà, vous décriviez cette forme en canard, un peu comme ces jouets canards jaunes avec lesquels on joue dans le bain. Et ça, ça pose problème aux scientifiques et aux personnes, aux pilotes notamment, qui doivent poser l'atterrisseur Philae sur la comète Chury. Antonella Barucci, comment est-ce qu'on a décidé de la zone d'atterrissage alors que cette comète était aussi accidentée et proposait un relief aussi compliqué pour l'atterrissage? Là, c'était un des choix les plus complexes discutés pendant toutes les périodes de l'étude de la comète, des périodes de Rosetta. Donc, il fallait choisir les sites d'atterrissage les moins risqués, les plus plats, celles qui avaient moins de cailloux, moins de morphologies variables. Et donc, c'était vraiment choisir l'endroit le plus safe. Mais quand on a lancé donc Philae, qu'est-ce qui s'est passé? On avait dans le concept de la mission créé des harpunes qui devaient se bloquer sur la comète. Donc, comme vous vous souvenez, la comète, c'était une petite boîte carrée, comme ça, avec trois pieds. Donc, tout a fonctionné parfaitement jusqu'au moment de l'atterrage. Mais les harpunes, donc, qui devaient se fixer au sol, ils n'ont pas marché. Alors, on va parler de cet atterrissage. Avant d'atterrir, il faut quand même parler, voilà, en quelques mois, quelques jours, on s'approche de Chury, on largue Philae le 12 novembre 2014 à 650 millions de kilomètres de la Terre. Les ordres qui partent de l'Agence spatiale européenne mettre une demi-heure à arriver. Donc c'est toute une complexité aussi de timing parfait pour qu'on puisse larguer Philae juste au-dessus de son site d'atterrissage. Ça dure 7 heures, la descente de Philae vers la comète Chury, juste avec sa gravité et sans propulseur aucun. Quand Philae aborde Chury, tout le monde éclate de joie dans les salons de l'Agence spatiale européenne, mais il y a un petit problème. Alors qu'est-ce qui se passe ? Oui, que les petits Philae rebondissent, parce qu'il y a, comme vous savez, il n'y a pas de gravité pratiquement. Il y a une gravité qui est moins que les 10 000 ou 100 000 fois celle de la Terre. Et donc, comme les harpunes, ils n'avaient pas marché, la petite sonde, ils ne pouvaient pas s'accrocher à la surface et donc il fait des rebondissements. Très long, parce que c'est comme il y a pas c'est de comme gravité. Si, c'est comme si Philae faisait 1 gramme alors qu'elle pesait 100 kilos sur Terre. Voilà. Ouais. Et il y avait toutes les caméras qui marchaient à bord. Donc, on a pu voir les moments qui s'est posé sous la surface. On a pu faire des mesures. Mais après, il a rebondi. Pendant les rebondissements, les caméras à bord, ils ont vu les pieds. Donc, sous la surface, on voyait la poussière avec la forme des pieds sous la surface de la comète. Et donc, c'était vraiment une zone très lisse et très bon pour l'atterrissage. Mais malheureusement, après les rebondissements, il se cache vers un rocher qui cache une partie de ses panneaux solaires. Parce qu'on n'a pas dit, mais il y avait aussi des panneaux solaires sous la surface du rover, des Philae. Et donc, Philae, il avait une autonomie des batteries d'à peu près 100 jours. Il fallait la recharger constamment. Et donc, l'effet qu'on ne pouvait pas les recharger, on a perdu la communication avec Philae et on ne savait plus où il était, les petits rovers. Et pendant ce temps-là, Rosetta tournait autour de la comète et servait de relais et était le seul moyen d'avoir des nouvelles de Philae. Oui, c'était le seul moyen, mais on ne savait pas où c'était et on ne le trouvait pas. Et donc, il y avait tous les scientifiques qui se sont mis à chercher où il était Philae. Donc, la sonde Rosetta continuait à faire sa science, observer. Et quand je vais juste rappeler que les orbites, comme c'était un objet très irrégulier, on ne pouvait pas se mettre en orbite circulaire autour de cette comète. Il fallait faire des orbites parallèles à la comète, et après comme des survols, et après faire des corrections pour revenir et s'approcher. Donc c'est un peu comme des triangles, pour s'approcher de plus en plus à la comète. Et donc c'est comme chercher une aiguille dans un terrain. Oui, un terrain qui est si accidenté avec beaucoup de roches fracassées. Voilà, c'est très. Il n'y avait très pas des signaux qu'ils pouvaient émettre parce qu'il n'y avait plus les panneaux solaires. Et donc c'était vraiment rechercher quelques centimètres de résolution sur cette surface des comètes. Et là, il faut rendre hommage à l'équipe du pilote Andrea Accomazzo qui quand même a lui sans doute vécu les trois pires journées de sa vie au moment où on a perdu Philae et où il fallait quand même donner le change et rappeler que cette mission pouvait fonctionner, pouvait parvenir à des résultats conséquents. Comment est-ce qu'on retrouve Philae et comment est-ce qu'on extrait les premiers résultats scientifiques de... Voilà, les premiers résultats scientifiques on l'a quand même pendant les premiers atterrissages parce que dès les premiers rebondis, il y a eu tous les instruments. On a vu, donc, avec, il y avait une caméra, on voyait donc la distance, qu'on s'approchait, et dès qu'on a touché les sols, il y a eu tous les instruments qui se sont allumés. Il y a eu un seul instrument qui devait être un pénétrateur, qui devait rentrer. Le fait que la sonde n'est pas restée sur la surface, il n'a pas pu pénétrer jusqu'à 20, 30 cm du sol. Mais les autres, même si pour une période très courte, ils ont permis de faire des mesures des particules, de la composition, du gaz, etc. Donc on a eu quand même pas mal de résultats avec la caméra, avec tous ces instruments sur la composition. Donc une fois qu'on a eu ces mesures, l'objectif c'est quand même retrouver Philae et si on pouvait faire quelque chose. Et là, je me souviens qu'il y avait le monde entier qui était à la recherche de la sonde Philae. Et donc, je me souviens des collègues qui disaient, mais c'est mieux qu'un film d'Hitchcock, c'était vraiment la retrouver Philae sous la surface de la comète Churyumov-Gerasimenko. Et on a finalement bien sûr réussi à retrouver Philae. La mission a duré jusqu'en 2016, jusqu'à ce que la sonde Rosetta qui relayait les informations fournies par Philae arrive au bout de son parcours et tombe sur la comète Churie. Donc c'est assez beau cette réunion des deux véhicules, on va dire. Si on doit sélectionner quelques-uns des principaux résultats de cette mission Rosetta et de ce que ça nous a permis de comprendre sur non seulement les origines du système solaire, mais les origines de la vie, quels sont ces résultats-là? Ce que je pourrais dire comme résultat, c'est, je pense que c'est vraiment cette découverte des matériaux organiques sur la surface de la comète, entre autres la glycine, qui est un matériel important pour l'origine de la vie et l'histoire de notre DNA, mais aussi tout l'ensemble des données. On peut dire que toutes les données ensemble, ils ont porté vraiment à une connaissance sur les comètes très différentes. Là, d'abord, il faut savoir que les comètes sont tous différents l'une de l'autre, mais il y a quand même une généralité que c'est la matière de base de notre système solaire. Donc, par exemple, un des résultats très importants, c'était que la comète, c'était quand même une comète qui contenait de l'oxygène, de l'azote, donc formée à des températures très très bas. C'est pas formé à l'intérieur du système solaire, mais probablement au dehors de la nébuleuse protosolaire. Donc il y a plus de 4,5 milliards d'années. Donc bien plus que 4,6 milliards d'années. Donc c'est vraiment des origines très très anciennes pour comprendre notre système solaire. Un des mesures plus importantes, c'est le rapport des deutériums sous l'hydrogène, qui était trois fois plus élevé que celle de la Terre, et qui prouve que ce n'est pas les comètes qui apportaient l'eau donc sur la Terre. Mais probablement plutôt les astéroïdes, parce que certains météorites, ils ont ce rapport plus proche à celui-là de la Terre. Mais sans doute, ces collisions, il y a eu plein de collisions de ces types d'objets avec la Terre. Donc, ce n'est pas une comète comme celle de Churyumov-Gerasimenko, mais probablement différente. Un autre type. Mais c'est sûr que l'origine de la vie, ça vient grâce à ces organiques apportés par ces objets qui ont eu des collisions avec la Terre. Voilà parmi les principales confirmations d'hypothèses importantes sur ces origines de la vie grâce à la mission Rosetta. Je le disais, Antonella Barucci, cette mission Rosetta, elle est hors norme à tout point de vue. Est-ce que dans l'histoire de l'Agence spatiale européenne, elle incarne un climax? Et est-ce qu'on pourrait refaire une mission comme celle-ci aujourd'hui? Oui, alors je pense que cette mission, c'est vraiment une mission unique dans le monde entier. Pas seulement pour l'Agence spatiale européenne, mais je pense même la NASA. Au moment de Rosetta, ils voyaient l'ESA comme vraiment la plus grande agence du monde. Parce qu'il fallait du courage pour faire cette mission. La NASA, il a eu du courage avec les missions Apollo, avec l'homme sous la Lune. Et on peut dire que l'ESA, il a eu un courage pour arriver à une mission avec une mission qui allait si lointain, sur un objet qu'on connaissait pas du tout, et avec de la technologie pas si avancée. On n'est pas au niveau de la NASA, donc on n'avait pas des propulsions nucléaires qu'il y a à la NASA. On a fait cette mission avec des panneaux solaires. Vous imaginez des panneaux solaires pour arriver à la distance de Jupiter. On a des panneaux solaires qui faisaient 34 mètres de longueur, donc une sonde particulière. Et c'est mettre autour, donc avoir un voyage si long, c'est mettre autour d'une comète et vivre avec une comète pendant 3 ans, avoir l'hibernation, parce que sinon c'était trop coûteux, suivre pendant tout ce temps la mission, il fallait vraiment avoir un moment de pause. Et après avoir cette décision de faire tomber la sonde, parce qu'il n'y avait plus d'énergie, donc on commençait à retourner très très loin sur l'orbite de la comète, et donc la faire retomber sur la surface, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne, il est plus capable de faire des missions de ce type. Il n'y a plus les financements, mais il n'y a même pas plus la technologie. Soit suivre et atterrir sur une comète avec toutes ces précisions de l'époque, il faudrait des navigations et des experts en ingénieurs qui, je pense, qui n'existent plus à l'Agence spatiale européenne. Alors on espère quand même que dans les décennies qui viennent, on reviendra à un cycle plus positif pour d'autres missions de cette envergure-là. Vous, oui, parce que pour l'instant, ce qu'on arrive à faire, c'est des télescopes autour de la Terre avec des missions magnifiques comme le James Webb Télescope et tout. Ce sont des missions extraordinaires, mais ce sont des télescopes autour de la Terre. On ne parle plus des voyages loin dans les systèmes solaires comme cette mission faite jusqu'à la comète Churyumov-Gerasimenko. Merci beaucoup Antonella Barucci d'être venue nous raconter cette grande et belle aventure de Rosetta que nous offrent les sciences spatiales. On espère avoir une autre sonde Rosetta dans les décennies qui viennent. Bien sûr. Tout le monde espère ça. Rosetta Blues par Rosetta Howard pour clore cet épisode de Science Chrono. Un grand merci à Alexandre Morales et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Dahuron de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Jean-Guilain Meige, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono. The sun goes down, the stars begin to shine. All the sun goes down, the stars begin to shine. Before the evening's gone, your man will be mine. Oh, what's the matter now? Oh, what's the matter now? I took your man, Lord, Lord, Lord, and how. The sun goes down, Lord, Lord, Lord, it's Tuesday. The sun goes down, Lord, Lord, Lord, it's Tuesday. Rider away. I ain't got no future, but Lord, Lord, what a past. I ain't got no future, but Lord, Lord, what a past. If the Rosetta Blues don't get you, no telling how long you'll last.